je suis cachée, je me suis poudré le nez. Yeah! Champagne, s'il vous plaît, il reste des coupes à siffler. À ta soirée, je fais semblant de m'amuser. And then we're gonna say, oh, je suis